2010, les MCs. Phénoménal vibe, c'est phénoménal vibe, phénoménal vibe. C'est 2010, c'est le retour des refrains. Vas-y, laisse-nous passer sur la piste, mon gars. Vas-y, casse-toi. Les MCs dans tes glacis. Bouge tes seins dans tous les sens. Faut que tu t'excites sur la piste de danse. Bouge tes fesses comme une déesse. Faut que ça claque sur ta fesse. Yeah. Tu grimaces, tout plaît, son petit flex, c'est la famille. Ça présente en direct de Paris. Ouais, gros, samedi night, ça part en boîte. Push him up, fais péter les watts. Fais des bisous, lady. Check tes potos, carré VIP. Siphon ton Red Bull vodka. Fais des courriers avec tes gars. Ah. Bouge tes seins dans tous les sens. Faut que tu t'excites sur la piste de danse. Bouge tes fesses comme une déesse. Faut que ça claque sur ta fesse. Sors-moi une face B, j'tape un freestyle. Tu vas rester bouche B, ce soir j'ouvre le bal. Move your body, everybody. Move your body, everybody. Move your body, everybody. Move your body, everybody. Move your body, everybody. Right.